La Bible David Martin 1855. Le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1. L'effet de Néhémie, fils de Hachalja. Il arriva au mois de Kisle, en la 20e année, comme j'étais à Susan, la ville capitale, que Hanani, l'un de mes frères, et quelques gens, arrivèrent de Juda, et je m'enquis de touchant les Juifs échappés, qui étaient de reste de la captivité, et touchant Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité, sont là dans la province, dans une grande misère et en opprobre, et la muraille de Jérusalem demeure renversée, et ses portes brûlées par feu. Or il arriva que, dès que j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurai, je menai deuil quelques jours, je jeûnai, et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. Et je dis, je te prie, ô Éternel. Dieu des cieux, qui est le fort, le grand et le terrible, qui garde l'alliance et la gratuité à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. Je te prie, que ton oreille soit attentive, et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière de ton serviteur, laquelle je te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël, lesquels nous avons commis contre toi, même moi et la maison de mon père, nous avons péché. Certainement nous sommes coupables devant toi, et nous n'avons point gardé les commandements, ni les ordonnances, ni les jugements que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Mais je te prie, souviens-toi de la parole dont tu donnas charge à Moïse, ton serviteur, en disant, vous commettrez des crimes, et je vous disperserai parmi les peuples. Puis vous retournerez à moi, et vous garderez mes commandements, et les ferez, et s'il y en a d'entre vous, qui ait été chassé jusqu'à un bout des cieux, je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai au lieu, que j'aurai choisi pour y faire habiter mon nom. Or ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Je te prie donc, Seigneur, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur, et à la supplication de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton nom, et fais, je te prie, prospérez aujourd'hui ton serviteur, et fais qu'il trouve grâce envers cet homme-ci. Car j'étais chanson du roi.